بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. ما أغنى عنه ماله وما كسب. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. سيصلى نارا ذات لهب. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. وامرأته حمالة الحطب. De même sa femme, la porteuse de bois. في جيدها حبل من مسد. À son cou une corde de fibres.